Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore dans le chapitre 13. Nous allons continuer et nous allons parler. Est-il possible de savoir l'heure et le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ? Notre Père du ciel, nous sommes devant toi, regardant ce texte qu'on va voir ce matin. Et tu vas nous parler encore de ce qui s'en vient. Comment on doit se préparer? Qu'est-ce qu'on doit croire ou ne pas croire? À quoi on doit s'attendre qui va arriver? Oh Seigneur, il y a tellement de fausseté autour de nous. Nous avons besoin de ta lumière afin d'éclairer notre chemin. Aide-nous, Seigneur, à bien saisir ce que tu nous annonces, parce que à travers ce que tu nous dis, à travers ce que tu nous annonces, tu te révèles, tu nous parles de toi, tu nous parles de ton Fils, tu nous parles de ton royaume. Conduis-nous, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous avançons de jour en jour vers la fin du chapitre 13, on va terminer seulement que demain. Ce chapitre 13 qui résume, bon, je pourrais dire, dans les grandes lignes, l'Apocalypse, qui parle de la fin des temps, qui parle du moment où Jésus a commencé à parler à Pierre, Jean-Jacques et André, jusqu'au retour qu'on a vu hier du Fils de l'homme sur les nuées. Jusqu'au moment où il va rassembler tous les élus de la terre pour les avoir avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, il nous parle de toute cette histoire-là, de cette période-là. Et de la façon qu'il en parle, c'est pas évident. Et je suis pas surpris que bien des films qui nous parlent de la fin du monde utilisent ces textes, utilisent certaines de ces images pour parler de la fin du monde. Parce que ce qu'il nous décrit, c'est très apocalyptique et en même temps très dur. Et ça l'a ébranlé et ça va même changer, finalement, par la venue du Saint-Esprit, ça va changer leur compréhension du royaume de Dieu, ça va changer leur perception du royaume de Dieu, ça va changer leur prédication, si je peux dire demain, parce qu'ils vont comprendre ce que Jésus voulait dire, et quand on prend les actes des apôtres, on voit la prédication des apôtres va dans la direction de Marc 13. Il n'annonce plus un royaume de liberté, de prospérité, de santé, mais annonce nous autres aussi des difficultés, comme on a vu ici dans notre texte. Il parle de séduction. Et dans les épîtres, vous allez voir, il y a eu plein de séductions. On voit les apôtres dire « tel a été séduit, tel est tourné dans le monde, tel s'est laissé emporter par les fausses doctrines. » Et les apôtres mettent en garde « attention, attention aux faux docteurs parmi vous, attention aux faux enseignants que parmi vous. » Attention. Attention, il va y avoir des douleurs, des tremblements de terre, il va y avoir des famines, il va y avoir des douleurs, il va y avoir de la détresse, il va y avoir de la désolation. Et après ces grands jours de détresse, finalement, il va y avoir des catastrophes cosmiques, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles vont être ébranlées. Et Dieu va mettre une fin à ce monde. Et il va venir chercher ses élus. Et ce matin, il a terminé, c'était le dernier qu'on a vu hier. Ce matin, il va aller dans une autre direction. Maintenant, il va essayer de les exhorter. Par le verset 28 jusqu'au verset 32, il va les exhorter à persévérer, à continuer jusqu'à la fin. Et à ne pas se laisser séduire par des gens qui disent qu'ils ont, ils savent le jour et l'heure. Lisons à partir du verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc Jésus vient et dit au verset 28, « Instruisez-vous par la comparaison du tiré du figuier. » Qu'est-ce qu'à vous regardez le figuier et que ses branches deviennent tendres parce que la sève a commencé à s'introduire dans les branches et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. Hein? En même chose, quand nous autres, on appelle ça des petits minous après les branches du long du chemin. Hein? Quand vous voyez les petites nouvelles branches, puis vous voyez les petites pousses nouvelles, vous savez que l'été approche. Vous savez que ça s'en vient. Oh, ça se peut qu'il y ait encore des températures fraîches, mais vous savez que l'été est proche. Donc, il dit, c'est la même chose ici. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et est à la porte. Quand vous allez voir tout ce que j'ai dit dans ce chapitre-là arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Vous allez voir cela. Vous allez voir se dérouler devant vous ce que j'ai parlé, ce que j'ai décrit. Sachez que le Fils de l'homme est proche et est à la porte. Sachez que ça s'en vient. Donc, si on est en attente de l'été, on regarde le figuier. Si on est en attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ces choses qui sont annoncées dans le monde qui nous permettent de savoir que ça s'en vient. Donc, je ne regarde pas seulement dans le ciel pour voir si je ne vois pas le Fils de l'homme venir sur des nuées. Parce qu'une grande partie du chapitre 13 nous décrit de ce qui se passe sur la terre. Donc, je regarde aussi sur la terre. Mais en voyant ces choses-là arriver, je sais que le Fils de l'homme s'en vient. Le chrétien ne se laisse pas décourager par les événements qui se passent dans le monde présentement. Ou se laisse pas décourager par ce que Jésus a dit qui arriverait aux enfants de Dieu. Au contraire, il est motivé et encouragé et fortifié parce que les choses se passent comme Jésus avait dit. Si on trouverait une solution aujourd'hui et qu'on emmènerait la paix dans le monde et qu'il n'y aurait plus de guerre dans le monde, on aura éradiqué toute la pauvreté et les difficultés, il n'y en a plus de tremblement de terre, il n'y en a plus de famine, tout le monde mange à sa faim. Là, je me posais des questions. Est-ce que ce que Jésus a dit est vrai? Jésus avait prédit des tremblements de terre, des famines, des difficultés, des guerres, des soulèvements, il avait prédit des faux Christ, des faux docteurs, puis je ne vois rien de ça. On est quasiment dans un paradis sur terre. Là, on devrait douter. Mais tant aussi longtemps qu'on voit la séduction, la haine, les difficultés, les guerres autour de nous, tant qu'on voit ça, on sait que Jésus a dit la vérité. Tant qu'on voit que dans l'Église, ou soi-disant l'Église, on s'acharne à détourner les croyants de la vérité en Jésus-Christ, on sait que Jésus a dit est vrai. Et on sait que la fin s'en vient. Et Et là, il dit au verset 29, excusez, 30, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Si je le mets pour les Juifs, l'an 70, le « tout cela », je suis obligé d'enlever certaines choses. Jésus n'est pas revenu. Il n'a pas rassemblé tous ses élus. Je ne peux pas penser ça dans ma tête. Je crois que cette génération, cette génération a vu des choses. Mais je crois qu'il parle cette génération qui est de partir de lui jusqu'à la fin. Cette génération que l'Église va être sur la terre. Tout cela va arriver pendant qu'on est là. Ça n'arrivera pas après que l'Église a été enlevée, après qu'il a rassemblé ses élus puis il est parti. Ça ne va pas arriver dans ce temps-là. Ça arrive dans cette génération-là ici. Dans cette génération-là, de la proclamation du royaume de Dieu, dans la proclamation de l'Évangile. C'est ce que je pense, c'est à mon dire ce qui fait plus de sens ici. Cette génération qui entend toutes ces choses de la part de Jésus. Parce que je ne suis pas capable d'appliquer tout ce qui s'est passé à la génération de l'année 30 après Jésus, jusqu'à l'année 70, en 40 ans. Je ne suis pas capable de faire ça. Il me semble que le texte est plus large que ça. Et là, il dit au verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça, il parle de la certitude de l'accomplissement de ce qu'il a dit. « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. » Vont passer. Mes paroles vont s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous savez, l'important ici, c'est pas qu'est-ce que moi je vais vivre à travers cela. Combien je vais avoir de mon vivant. Qu'est-ce qui va arriver à moi, François, pendant mon vivant. L'important de comprendre, c'est ce que Jésus a déclaré. Tout ce que vous voyez ici, toutes ces constructions vont être détruites. Tout ce que le monde a présentement va disparaître. Et ça va disparaître à travers les souffrances, les difficultés, la douleur, et tout cela va se passer. Et là, le Fils de l'homme va revenir, il va rassembler ses élus, il va mettre en place une nouvelle terre. C'est comme ça que je le vois personnellement. C'est sûr que ça va arriver. Donc, attendez-le. Patientez. Persévérez jusqu'à la fin. Mourrez dans la foi, si ce n'est pas arrivé dans votre vivant. Mais une chose est certaine, il y a des gens qui vont aller voir arriver tout cela de leur vivant, qui vont voir le Fils de l'homme arriver, qui vont voir l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui vont le voir. Parce que le temps va disparaître, mais ses paroles ne disparaîtront pas. C'est sûr et certain. Il dit au verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Quand vous regardez à travers l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y a des mouvements qui se lèvent à travers le monde et qui vont commencer à donner des dates. Vous savez quand ça a sorti l'histoire de 2012, là? Hein, le calendrier Maya, là, ça a fait couler bien de l'encre. Ça a fait faire beaucoup de clics sur l'Internet. Que les Mayas avec le calendrier, les autres, ils savaient quand ça arriverait la fin du monde. Mais on aurait dû rire de cela. Puis dire, mais Jésus a dit que personne ne le savait, pas plus les Mayas. Même s'ils étaient des grands mathématiciens, même s'ils étaient des grands astrologues, même s'ils savaient, ils ne pouvaient pas savoir le jour, ni l'heure. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il dit, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme, Jésus, mais le Père seul. Le Père seul. Donc, les anges ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout, les anges, même si c'est des êtres spirituels qui vivent dans la présence de Dieu depuis des millénaires. Ils ne savent pas tout. Le Fils de Dieu ne sait pas tout. Il en sait des choses. Il vient d'en prédire là, dans le chapitre 13. Il a fait des prophéties pendant son vivant. Et il y en a qui avaient dit, qui sont arrivés, comme « Va à telle place, il va se passer telle affaire. Va à telle place, il va trouver un âne, amène-moi là. » Il a fait des prophéties qui se sont accomplies de son vivant. Il y en a fait d'autres, comme ici, qui vont s'accomplir après son départ de la terre. Mais le Fils de l'homme ne sait, en tant qu'homme, sur cette terre, ne sait seulement ce que le Père décide de lui donner. Parce qu'il a décidé de vivre ainsi dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit lui-même, « Si je fais ces choses, c'est par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, Jésus a tout fait dans son ministère, il a tout fait par la puissance du Saint-Esprit. Il a lu les Écritures et les a compris par la puissance du Saint-Esprit. Il a vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Il s'est battu contre Satan par la puissance du Saint-Esprit. Il a chassé les démons par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il dit, je ne le sais pas ici, le Fils. Le Fils ne le sait pas. Parce qu'il dépend du Père et le Père ne lui révèle pas maintenant le jour et l'heure. Ça ne fait pas de lui un être inférieur à Dieu, comme certains mouvements veulent bien nous dire. C'est pas à cause que mes enfants ne savent pas tout ce que je sais, qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont des êtres humains pareils comme moi. Le fait que Jésus, ici, dans notre texte, pendant qu'il était sur la terre, quelques heures, quelques jours avant qu'il meure, il ne savait pas l'heure et le jour de la fin du monde et de l'établissement du royaume de Dieu. Ça fait pas, ça change pas sa nature, ça. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Avant de dire que Jésus n'est pas Dieu, à cause de ce verset-là, il faut prendre l'ensemble de sa vie, l'ensemble de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, et de déterminer s'il est un être divin ou pas. S'il est un être divin, ce verset ne change pas sa nature. Et même si les anges le savaient, ça ne changerait pas leur nature angélique et esprit. Ça ne ferait pas d'eux autres un être divin, même s'ils le savaient. Si Jésus n'était pas divin de par sa nature, le fait de savoir ou de ne pas savoir l'heure et le jour de la fin du monde, ça ne changerait pas sa nature. Donc, il est le Fils de Dieu, il est de nature divine, et s'il ne sait pas le jour ici, la seule réponse que moi j'ai, c'est que tout simplement le Père ne lui a pas révélé l'heure et le jour en tant qu'être humain, en tant que Fils de Dieu. Ici, sur la terre. C'est ce que le texte nous donne. Donc, il dit, « Ne vous laissez pas séduire. Tirez leçon du figuier. Qui, en le regardant, vous savez que l'été approche. Donc, regardez les signes que j'ai mis dans Marc 13, et prenez ces signes et regardez autour de vous. Si vous voyez ces signes en train de s'accomplir, vous savez que le Fils de l'homme s'en vient, qu'il est proche, qu'il est à la porte. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous encourages ici, tu nous fortifies. Ta parole est vraie. Ta parole va s'accomplir, c'est certain. Et Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser séduire par ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux Christ qui viennent et qui veulent nous dire qu'eux autres, ils savent quand ça va arriver. On ne le sait pas. Mais on voit les signes arriver. Et quand on voit les signes arriver, on attend. On sait que ça s'en vient. on sait que ça arrive et on continue à persévérer et à attendre. Au nom de Jésus.